Faut-il être sage comme une image? Il y a une expression normative, injonctive, impérieuse qu'on n'entend plus beaucoup, ou une admiration aussi, une image en tout cas d'un jugement de valeur, une expression d'un jugement de valeur qu'on n'entend plus beaucoup, qui est celle que des parents ou des grands-parents adressaient à des enfants quand, en tout cas moi-même j'étais petit, c'était « il est sage » ou « elle est sage » comme une image. Ah, on regardait cet enfant modèle, comme la comtesse de Ségur parlait de la petite fille modèle, cet enfant qui se tient bien, qui ne bouge pas, qui correspond à tous les canons normatifs d'une société, et on dit « il est sage » comme une image. Comme si l'image, justement, était la chose la plus tranquille du monde. Comme si nous construisions des images de l'être humain selon les normes d'une culture et que nous visions à adapter les sujets à cette image normative, bien loin que, au contraire, les sujets vivants, ce petit garçon, cette petite fille, se construisent lui-même ou elle-même son image de soi permettant de vivre dans le monde. Sage comme une image, c'est une image de la sagesse comme absence de perturbation. Et bien sûr, c'est présent dans l'idée même de sagesse. Le sage est celui qui ne se laisse pas perturber. Il y a la tranquillité de l'âme dans l'idée de sagesse. Mais sage comme une image, c'est peut-être une double erreur. Une erreur sur l'image et une erreur sur la sagesse. En revanche, il y a quelque chose de profond dans cette expression populaire. Quelque chose qu'il faut retrouver. C'est qu'on ne peut pas être sage sans une image, et même sans une image de soi, mais que c'est peut-être la chose la plus difficile du monde à obtenir. La psychanalyse nous montre que dès l'enfance, le nourrisson se construit peu à peu une image de lui-même dans l'image de lui que lui renvoie les autres, dans leur sourire, dans leur tendresse, aussi dans leur façon de porter son corps, qui tout à coup fait que l'image de notre corps se construit, une image plus ou moins satisfaisante, qui va évoluer avec la puberté, avec l'amour, avec les images sociales, avec les normes des comportements, qui va sans doute se rebeller à l'adolescence, qui va aussi être victime de pathologies ou au contraire de joies extraordinaires, et l'image de nous-mêmes va ainsi se construire peu à peu, de manière relationnelle, plus ou moins bien, construisant une partie essentielle de nous-mêmes, de notre bonheur, de notre rapport aux autres et au monde, quelque chose, en effet, comme une sagesse. Mais il ne s'agit pas d'être sage comme une image toute faite, comme une image imposée de l'extérieur, dans une imagerie de carte postale qui, d'ailleurs, est bien lointaine aujourd'hui. Et cette expression a peu à peu disparu avec aussi les enfants modèles, les enfants qu'on soumet à des modèles. D'une certaine façon, nous avons progresser, nous avons compris peu à peu que la sagesse était plutôt la construction progressive d'une image fragile, d'une image vitale, d'une image essentielle, qui n'est pas simplement une représentation extérieure, qui est une force active dans la construction de nous-mêmes, que les pathologies de l'image de soi peuvent conduire aux pires effets destructeurs jusqu'aux tentatives de suicide, alors que la reconstruction de l'image de soi fait partie de la santé et de l'action des humains. Préserver les images, c'est aussi une sagesse collective, préserver les images de soi-même, ne pas considérer la représentation de soi comme un luxe secondaire, mais plutôt comme une priorité morale.